Livre troisième, chapitre premier. Notre-Dame. C'est sans doute encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais, si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument. Sans respect pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste, qui en avait posé la dernière. Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. D'un pouce et d'Ax, Homo et d'Achior. Ce que je traduirais volontiers ainsi, le temps est aveugle, l'homme est stupide. Si nous avions le loisir d'examiner une à une avec le lecteur les diverses traces de destruction imprimées à l'antique église, la part du temps serait la moindre, la pire, celle des hommes, surtout des hommes de l'art. Il faut bien que je dise des hommes de l'art, puisqu'il y a eu des individus qui ont pris la qualité d'architecte dans les deux siècles derniers. Et d'abord, pour ne citer que quelques exemples capitaux, il est, à coup sûr, peu de plus belles pages architecturales que cette façade où successivement et à la fois les trois portails creusés en ogive, le cordon brodé et dentelé des 28 niches royales, l'immense rosace centrale flanquée de ses deux fenêtres latérales, comme le prêtre, du diacre et du sous-diacre, la haute et frêle galerie d'arcades à trèfles qui porte une lourde plateforme sur ses fines colonnettes. Enfin, les deux noires et massives tours avec leur auvent d'ardoise, partie harmonieuse d'un tout magnifique, superposée en cinq étages gigantesques, se développent à l'œil, en foule et sans trouble, avec leurs innombrables détails de statuaire, de sculpture et de ciselure, ralliés puissamment à la tranquille grandeur de l'ensemble. Vaste symphonie en pierre, pour ainsi dire, œuvre colossale d'un homme et d'un peuple. Tout ensemble, une et complexe, comme les Iliades et les Romanceros dont elle est sœur. Produit prodigieux de la cotisation de toutes les forces d'une époque, où sur chaque pierre on voit saillir en cent façons la fantaisie de l'ouvrier, disciplinée par le génie de l'artiste. Sorte de création humaine en un mot, puissante et féconde, comme la création divine dont elle semble avoir dérobé le double caractère. Variété, éternité. Et ce que nous disons ici de l'église cathédrale de Paris, il faut le dire de toutes les églises de la chrétienté au Moyen-Âge. Tout se tient dans cet art venu de lui-même, logique et bien proportionné. Mesurer l'orteil du pied, c'est mesurer le géant. Revenons à la façade de Notre-Dame, telle qu'elle nous apparaît encore à présent quand nous allons pieusement admirer la grave et puissante cathédrale qui terrifie au dire de ses chroniqueurs. Quae moli suat terrorem insutit spectantibus. Trois choses importantes manquent aujourd'hui à cette façade. D'abord, le degré de 11 marches qu'il exhaussait jadis au-dessus du sol. Ensuite, la série inférieure de statues qui occupait les niches des trois portails et la série supérieure des 28 plus anciens rois de France qui garnissaient la galerie du premier étage à partir de Childebert jusqu'à Philippe Auguste, tenant en main la pomme impériale. Le degré, c'est le temps qui l'a fait disparaître, en élevant d'un progrès irrésistible et lent le niveau du sol de la cité. Mais, tout en faisant dévorer une à une par cette marée montante du pavé de Paris, les 11 marches qui ajoutaient à la hauteur majestueuse de l'édifice, le temps a rendu à l'église plus peut-être qu'il ne lui a ôté, car c'est le temps qui a répandu sur la façade cette sombre couleur des siècles qui fait de la vieillesse des monuments l'âge de leur beauté. Mais qui a jeté à bas les deux rangs de statues? Qui a laissé les niches vides? Qui a taillé au beau milieu du portail central cette ogive neuve et bâtarde? Qui a osé y encadrer cette fade et lourde porte de bois sculptée à la Louis XV, à côté des arabesques de Biscornette? Les hommes, les architectes, les artistes de nos jours. Et si nous entrons dans l'intérieur de l'édifice, qui a renversé ce colosse de Saint-Christophe, proverbial parmi les statues, au même titre que la grande salle du palais parmi les halles, que la flèche de Strasbourg parmi les clochers, et ces myriades de statues qui peuplaient tous les entrecolonnements de la nef et du chœur, à genoux, en pied, équestres, hommes, femmes, enfants, rois, évêques, gendarmes, en pierre, en marbre, en or, en argent, en cuivre, en cire même. Qui les a brutalement balayés? Ce n'est pas le temps. Et qui a substitué au vieil hôtel gothique, splendidement encombré de châsses et de reliquaires, ce lourd sarcophage de marbre à tête d'ange et à nuages, lequel semble un échantillon dépareillé du Val-de-Grâce ou des Invalides? Qui a bêtement scellé ce lourd anachronisme de pierre dans le pavé carolingien de Hercandus? N'est-ce pas Louis XIV accomplissant le vœu de Louis XIII? Et qui a mis de froides vitres blanches à la place de ces vitraux hauts en couleur qui faisaient hésiter l'œil émerveillé de nos pères entre la rose du grand portail et les ogives de l'abside? Et que dirait un sous-chantre du XVIe siècle en voyant le beau badigeonnage jaune dont nos vandales archevêques ont barbouillé leur cathédrale? Il se souviendrait que c'était la couleur dont le bourreau brossait les édifices scélérés. Il se rappellerait l'autel du Petit Bourbon, tout englué de jaune aussi pour la trahison du connétable. Jaune, après tout, de si bonne trempe, dit Sauval, et si bien recommandé, que plus d'un siècle n'a pu encore lui faire perdre sa couleur. Il croirait que le lieu saint est devenu infâme et s'enfuirait. Et si nous montons sur la cathédrale, sans nous arrêter à mille barbaries de tout genre, qu'a-t-on fait de ce charmant petit clocher qui s'appuyait sur le point d'intersection de la croisée et qui, non moins frêle et non moins hardi que sa voisine la flèche, détruite aussi de la Sainte-Chapelle, s'enfonçait dans le ciel plus avant que les tours, élancée, aiguë, sonore, découpée à jour? Un architecte de bon goût, 1787, l'a amputé et a cru qu'il suffisait de masquer la plaie avec ce large emplâtre de plomb qui ressemble au couvercle d'une marmite. C'est ainsi que l'art merveilleux du Moyen-Âge a été traité presque en tout pays, surtout en France. On peut distinguer sur sa ruine trois sortes de lésions qui toutes trois l'entament à différentes profondeurs. Le temps d'abord, qui a insensiblement ébréché çà et là et rouillé partout sa surface. Ensuite, les révolutions politiques et religieuses, lesquelles, aveugles et colères de leur nature, se sont ruées en tumulte sur lui, ont déchiré son riche habillement de sculpture et de ciselure, crevé ses rosaces, brisé ses colliers d'arabesques et de figurines, arraché ses statues, tantôt pour leur mitre, tantôt pour leur couronne. Enfin, les modes, de plus en plus grotesques et sottes, depuis les anarchiques et splendides déviations de la Renaissance, se sont succédés dans la décadence nécessaire de l'architecture. Les modes ont fait plus de mal que les révolutions. Elles ont tranché dans le vif. Elles ont attaqué la charpente osseuse de l'art. Elles ont coupé, taillé, désorganisé, tué l'édifice, dans la forme comme dans le symbole, dans sa logique comme dans sa beauté. Et puis, elles ont refait, prétention que n'avaient eu du moins ni le temps ni les révolutions. Elles ont effrontément ajusté, de par le bon goût, sur les blessures de l'architecture gothique, leur misérable colifichet d'un jour, leurs rubans de marbre, leurs pompons de métal, véritables lèpres d'ove, de volutes, d'entournements, de draperies, de guirlandes, de franges, de flambes de pierre, de nuages de bronze, d'amour replé, de chérubins bouffis, qui commencent à dévorer la face de l'art dans l'oratoire de Catherine de Médicis et le fait expirer 2 siècles après, tourmenté et grimaçant, dans le boudoir de la Du Barry. Ainsi, pour résumer les points que nous venons d'indiquer, 3 sortes de ravages défigurant aujourd'hui l'architecture gothique. Rides et verrues de l'épiderme, c'est l'œuvre du temps. Voies de fait, brutalité, contusion, fracture, c'est l'œuvre des révolutions depuis Luther jusqu'à Mirabeau. Mutilation, amputation, dislocation de la membrure, restauration, c'est le travail grec, romain et barbare des professeurs selon Vitruve et Vignole. Cet art magnifique que les Vandales avaient produit, les académies l'ont tué. Aux siècles, aux révolutions qui dévastent du moins avec impartialité et grandeur, est venue s'adjoindre la nuée des architectes d'école, patentés, jurés et assermentés, dégradant avec le discernement et le choix du mauvais goût, substituant les chicorées de Louis XV aux dentelles gothiques pour la plus grande gloire du Parthénon. C'est le coup de pied de l'âne au lion mourant. C'est le vieux chêne qui se couronne et qui, pour comble, est piqué, mordu, déchiqueté par les chenilles. Qu'il y a loin de là, à l'époque où Robert Sénalis, comparant Notre-Dame de Paris à ce fameux temple de Diane à Éphèse, tant réclamé par les anciens païens, qui a immortalisé Hérostrate, trouvait la cathédrale gauloise plus excellente en longueur, largeur, hauteur et structure. Notre-Dame de Paris n'est point du reste ce qu'on peut appeler un monument complet, défini, classé. Ce n'est plus une église romane, ce n'est pas encore une église gothique. Cet édifice n'est pas un type. Notre-Dame de Paris n'a point, comme l'abbaye de Tournus, la grave et massive carrure, la ronde et large voûte, la nudité glaciale, la majestueuse simplicité des édifices qui ont le plein cintre pour générateur. Elle n'est pas, comme la cathédrale de Bourges, le produit magnifique, léger, multiforme, touffu, hérissé et florissant de l'ogive. Impossible de la ranger dans cette antique famille d'églises sombres, mystérieuses, basses et comme écrasées par le plein cintre, presque égyptiennes au plafond près, toutes hiéroglyphites, toutes sacerdotales, toutes symboliques, plus chargées dans leurs ornements de losanges et de zigzags que de fleurs que d'animaux que d'hommes, œuvre de l'architecte moins que de l'évêque. Première transformation de l'art, toute empreinte de discipline théocratique et militaire, qui prend racine dans le Bas-Empire et s'arrête à Guillaume le Conquérant. Impossible de placer notre cathédrale dans cette autre famille d'églises, haute, aérienne, riche de vitraux et de sculptures, aiguë de forme, hardie d'attitude, communale et bourgeoise comme symbole politique libre, capricieuse, effrénée comme œuvre d'art. Seconde transformation de l'architecture non plus hiéroglyphique, immuable et sacerdotale, mais artiste, progressive, et populaire qui commence au retour des croisades et finit à Louis XI. Notre-Dame de Paris n'est pas de pure race romaine comme les premières, ni de race arabe comme les secondes. C'est un édifice de la transition. L'architecte saxon achevait de dresser les premiers piliers de la nef lorsque l'ogive qui arrivait de la croisade est venue se poser en conquérante sur ces larges chapiteaux romans qui ne devaient porter que des pleins cintres. L'ogive, maîtresse dès lors, a construit le reste de l'église. Cependant, inexpérimentée et timide à son début, elle s'évase, s'élargit, se contient et n'ose s'élancer encore en flèche et en lancette comme elle l'a fait plus tard dans tant de merveilleuses cathédrales. On dirait qu'elle se ressent du voisinage des lourds piliers romans. D'ailleurs, ces édifices de la transition du roman au gothique ne sont pas moins précieux à étudier que les types purs. Ils expriment une nuance de l'art qui serait perdue sans eux. C'est la greffe de l'ogive sur le plein cintre. Notre-Dame de Paris est en particulier un curieux échantillon de cette variété. Chaque face, chaque pierre du véritable monument est une page non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. Ainsi, pour n'indiquer ici que les détails principaux, tandis que la petite porte rouge atteint presque aux limites des délicatesses gothiques du XVe siècle, les piliers de la nef, par leur volume et leur gravité, reculent jusqu'à l'abbaye carolingienne de Saint-Germain-des-Prés. On croirait qu'il y a 6 siècles entre cette porte et ses piliers. Il n'est pas jusqu'aux hermétiques qui ne trouvent dans les symboles du grand portail un abrégé satisfaisant de leur science, dont l'église de Saint-Jacques de la Boucherie était un hiéroglyphe si complet. Ainsi, l'abbaye romane, l'église philosophale, l'art gothique, l'art saxon, le lourd pilier rond qui rappelle Grégoire VII, le symbolisme hermétique par lequel Nicolas Flamel préludait à Luther, l'unité papale, le schisme, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques de la Boucherie, tout est fondu, combiné, amalgamé dans Notre-Dame. Cette église centrale et génératrice est parmi les vieilles églises de Paris une sorte de chimère. Elle a la tête de l'une, les membres de celle-là, la croupe de l'autre, quelque chose de toute. Nous le répétons, ces constructions hybrides ne sont pas les moins intéressantes pour l'artiste, pour l'antiquaire, pour l'historien. Elles font sentir à quel point l'architecture est chose primitive. En ce qu'elle démontre, ce que démontrent aussi les vestiges cyclopéens, les pyramides d'Égypte, les gigantesques pagodes hindoues, que les plus grands produits de l'architecture sont moins des œuvres individuelles que des œuvres sociales. Plutôt l'enfantement des peuples en travail que le jet des hommes de génie. Le dépôt que laisse une nation, les entassements que font les siècles, le résidu des évaporations successives de la société humaine. En un mot, des espèces de formations. Chaque flot du temps superpose son alluvion. Chaque race dépose sa couche sur le monument. Chaque individu apporte sa pierre. Ainsi font les castors, ainsi font les abeilles, ainsi font les hommes. Le grand symbole de l'architecture, Babel, est une ruche. Les grands édifices comme les grandes montagnes sont l'ouvrage des siècles. Souvent, l'art se transforme. Il se continue paisiblement selon l'art transformé. L'art nouveau prend le monument où il le trouve, s'y incruste, se l'assimile, le développe à sa fantaisie et l'achève s'il peut. La chose s'accomplit sans trouble, sans effort, sans réaction, suivant une loi naturelle et tranquille. C'est une greffe qui survient, une sève qui circule, une végétation qui reprend. Certes, il y a matière à bien gros livres, et souvent, histoire universelle de l'humanité, dans ces soudures successives de plusieurs arts à plusieurs hauteurs sur le même monument. L'homme, l'artiste, l'individu s'effacent sur ces grandes masses sans nom d'auteur. L'intelligence humaine s'y résume, et s'y totalise. Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon. À n'envisager ici que l'architecture européenne chrétienne, cette sœur puis née des grandes maçonneries de l'Orient, elle apparaît aux yeux comme une immense formation divisée en trois zones bien tranchées qui se superposent. La zone romane, la zone gothique, la zone de la Renaissance, que nous appellerions volontiers gréco-romaine. La couche romane qui est la plus ancienne et la plus profonde est occupée par le plein cintre qui reparaît porté par la colonne grecque dans la couche moderne et supérieure de la Renaissance. L'ogive est entre deux. Les édifices qui appartiennent exclusivement à l'une de ces trois couches sont parfaitement distincts, un et complet. C'est l'abbaye de Jumièges, c'est la cathédrale de Reims, c'est la Sainte-Croix d'Orléans. Mais les trois zones se mêlent et s'amalgament par les bords comme les couleurs dans le spectre solaire. De là, les monuments complexes, les édifices de nuances et de transitions. L'un est roman par les pieds, gothique au milieu, gréco-romain par la tête. C'est qu'on a mis 600 ans à le bâtir. Cette variété est rare. Le donjon d'Estampe en est un échantillon. Mais les monuments de deux formations sont plus fréquents. C'est Notre-Dame de Paris, édifice ogival qui s'enfonce par ses premiers piliers dans cette zone romane où sont plongés le portail de Saint-Denis et la nef de Saint-Germain-des-Prés. C'est la charmante salle capitulaire demi-gothique de Beaucherville à laquelle la couche romane vient jusqu'à mi-corps. C'est la cathédrale de Rouen qui serait entièrement gothique si elle ne baignait pas l'extrémité de sa flèche centrale dans la zone de la Renaissance. Du reste, toutes ces nuances, toutes ces différences n'affectent que la surface des édifices. C'est l'art qui a changé de peau. La constitution même de l'Église chrétienne n'en est pas attaquée. C'est toujours la même charpente intérieure, la même disposition logique des parties. Quelle que soit l'enveloppe sculptée et brodée d'une cathédrale, on retrouve toujours dessous, au moins, à l'état de germe et de rudiment, la basilique romaine. Elle se développe éternellement sur le sol selon la même loi. Ce sont imperturbablement deux nefs qui s'entrecoupent en croix et dont l'extrémité supérieure arrondie en abside forme le chœur. Ce sont toujours des bas-côtés pour les processions intérieures, pour les chapelles, sortes de promenoirs latéraux où la nef principale se dégorge par les entrecolonnements. Cela posé, le nombre des chapelles, des portails, des clochers, des aiguilles se modifie à l'infini, suivant la fantaisie du siècle, du peuple, de l'art. Le service du culte une fois pourvu et assuré, l'architecture fait ce que bon lui semble. Statues, vitraux, rosaces, arabesques, dentelures, chapiteaux, bas-reliefs, elle combine toutes ses imaginations selon le logarithme qui lui convient. De là, la prodigieuse variété extérieure de ces édifices, au fond desquels résident tant d'ordre et d'unité. Le tronc de l'arbre est immuable, la végétation est capricieuse.